chef d'État et président garde du corps, police, agent fier, bandit sans armes en avant, on envahit les premiers rangs. Suivent nos tables, mes gadgets, cette qui se la joue, qui se la pète, au son des tambours et trompettes, annonçant le début de la fête. Puis ribambelle de petits gens usés, suant quotidiennement des malheureux, bien trop contents d'assister à tel événement. Car ce soir il y a concert en vedette, un vieux tortionnaire, bravo et tendard bien en l'air, le pays doit se montrer fier. Kaboul, Bagdad, Guantanamo. Kaboul, Bagdad, Guantanamo. En grand seigneur de la guerre, comme déjà l'était son père, comblant charniers et cimetières, en deux tours il nous fait l'enfer. Sous un tonnerre d'acclamation, la foule lui rend ovation, le cri de joie d'une nation en longues itérations. Il entonne ses premières chansons, vite fait je truc les élections, chez moi on ne se pose pas de questions, je tire ailleurs hors la maison. Arrive les tubes avec sa dame, je me l'éclate, je me rétame, en deux ou trois coups de tam-tam, je lui pile la tronche macadam. Kaboul, Bagdad, Guantanamo, l'amour c'était son boulot. Kaboul, Bagdad, Guantanamo, l'amour c'était son boulot. À l'honneur son récent album, Destination les bonnes pommes, ceux et celles qui aiment l'atome, et tant pis s'il y a des mômes. Cloue la dernière au répertoire, ici J.I. te file rancard, flanqué du groupe politicard, Black il racole dans le paillard. Tout le beau monde il est en liesse, les rois, les reines et les princesses, ils veulent que ça dure pas, que ça cesse, et redemande de la grosse caisse. Les VIP, les mégastars prennent leur pièce et le panard, qui enivré tout près du bar, ils applaudissent le vieux tocard. Kaboul, Bagdad, Guantanamo, l'amour c'était son boulot. Kaboul, Bagdad, Guantanamo, l'amour c'était son boulot. Et alors c'est la grande communion, militant passe d'action, ils vont te vendre ce raison et en brigade à profusion. Sanglés juchés sur Obama, les blafetonnent dans tout l'état, à force slogan et grand éclat pour reconduire sur la même voie. Ça ratisse fort dans le bas-fond, les sans un sou, les sans pognon, conditionnés et en haillon, chauffés à blanc. C'est la chenille des aspirants, une guéparade de partisans, va que le suce au sergent qui entérine le recrutement. Kaboul, Bagdad, Guantanamo, l'amour c'était son boulot. Kaboul, Bagdad, Guantanamo, l'amour c'était son boulot. Kaboul, Bagdad, Guantanamo, maintenant le peuple il est macro. Kaboul, Bagdad, Guantanamo, astreint on fera pas. Astreint, on fera pas les autres. Kaboul, Bagdad, Guantanamo. Astreint, on fera pas les autres. Kaboul, réseau atterrant sera bientôt viable.